assis là devant moi et j'essaie de trouver ta trace. Toi qui t'égares à nous chercher, je le sais, sous quels autres cieux. Et pour arriver jusqu'à toi, je traverse des mers de glace. Au fond de tes yeux, là-bas où tu vis en été, là-bas où tu m'as oublié, guidée dans le voyage jusqu'à. J'essaie de sauver la face. Nos regards s'interrogent, mais ne se répondent plus. Par-dessus d'inutiles fleurs, machinalement nos doigts s'enlacent. Pourquoi faisons-nous rêve à part pour m'inviter, dis, qu'attends-tu? Là-bas où tu vis en été, là-bas où tu m'as oublié, qu'il est long le voyage jusqu'à toi, qu'il est long le voyage. J'aurai tous les courages, aide-moi.